J'arriverai la gueule dans le cul à tous mes rendez-vous. Je serai monocorde et pas drôle et relou. Je fixerai la grande horloge, voir si elle déconne pas. Prêt à tuer un enfant pour un petit bout de toi. La gueule tout écorchée, je taperai du poing pour qu'on me serve une bière et fils à mon achien. Et puisque tu m'auras chamboulé tous mes repères, je ferai peut-être ça par erreur dans le bureau d'un médecin. Quand tu m'auras quitté, quand tu m'auras quitté, je serai même plus capable de te dire quel jour on est. Si je reviens de la messe ou d'une putain de soirée, robot regard dans le vide résigné sur son sort, d'un univers bugué tout en syntaxe erreur. Et j'en aurai ma claque de la condescendance, des idées démoniaques comme aimer c'est une chance. Je serai passé par la peine et la mélancolie, j'irai jusqu'à la quintessence de la connerie. Quand tu m'auras quitté, quand tu m'auras quitté, je traînerai mon ennui dans le stupre et la honte, essayant de me rappeler pourquoi t'as voulu rompre. Je ferai le tour de la ville, même si ça sert à rien. Pas plus désabusé qu'un bulldog tibétain. À la nif d'un de mes potes, une larme m'échappera et coulera sur mes joues, puis mon cou, puis mes bras. Et c'est sur la photo que je fondrai en sanglots. Quand tu m'auras quitté, quand tu m'auras quitté. Je me sens bien là, maintenant dans tes bras. Que lorsque tu me quitteras, et je sais que ça arrivera, je serai pulvérisé, mais s'il te plaît pas ce soir. Je préfère être avec toi et tout nu et dans le noir. Quand tu m'auras quitté, quand tu m'auras quitté,